laisse tomber ta banjo et viens jouer. Laisse tomber Joe, oublie tes ennuis Joe, oublie que cette fille Joe hier t'a quitté. Oublie ton chagrin Joe et viens jouer. Tu ne peux pas nous lâcher, Joe. Viens donc jouer.